Bonjour, donc Hugo Gasnier, doctorant en première année. J'ai commencé ma thèse le 30 novembre 2015 et sous la direction de Hubert Guillot. Et je suis rattaché au laboratoire Crater dans l'unité de recherche architecture, environnement et culture constructive. Et le sujet de la thèse est Terre de rebut, ressources pour la construction de la ville éco-responsable. Donc en fait, cette thèse s'inscrit dans le contexte actuel de transition écologique. En fait, il semble important et nécessaire même de repenser la place que doivent prendre les matériaux recyclés et recyclables dans la construction. La thèse va explorer le potentiel en fait de la terre de rebut comme matériau de construction et examiner la pertinence d'une valorisation de cette ressource pour une construction soutenable dans le contexte français actuel. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la ville aujourd'hui, quand elle se construit, génère en fait des millions de mètres cubes de terre chaque année. Ici, on voit en fait deux illustrations. Donc, ici, c'est le chantier du futur palais de justice de Paris qui est sous la responsabilité de Renzo Piano. Donc on voit que c'est un peu tous les nouveaux projets en fait commencent de cette manière avec un grand trou dans la ville et on a en fait des mètres cubes de terre de terrassement qui sont ensuite donc sortis de la ville pour être enfouis principalement dans des carrières. C'est comme ça que ça se passe en grande majorité. Il faut bien différencier donc deux types de terre qu'on tire des sols des grandes villes, en fait, les terres de terrassement, comme sur le chantier du palais de justice, et les terres associées en fait, aux extractions liées aux travaux d'infrastructure. Donc ici, donc, vous avez un tunnelier qui va creuser et sortir des terres donc, dans une profondeur plus importante du sol et qui seront sorties et mis en décharge pour la plupart. Donc en fait, aujourd'hui, pas toutes les terres sont mises en décharge, sorties des grandes villes et mises en décharge. Une partie en fait est recyclée au travers. Ici, vous avez un site de tri qui se situe à Gennevilliers, en fait, donc proche de Paris, où en fait les terres arrivent en barge et sont retriées, sélectionnées pour être réutilisées principalement en sous-couche de sol routier. Aujourd'hui, c'est principalement la seule débouchée qu'il y a, en fait, sur des sols, en général des petits chemins, pas forcément des grosses infrastructures, mais ils ont une capacité de production de terres de recyclage plus importante que ce qu'on en fait comme utilisation aujourd'hui. Donc l'idée, en fait, de cette thèse, c'est de croiser à la fois donc, cette opportunité qui est présentée par ces terres de rebut et la connaissance qu'on a de la construction de terres. Donc une construction millénaire. Donc ici, vous avez la roue des techniques qui a été créée en 1989, même peut-être un petit peu avant, dans le traité de construction de terre, donc, qui a été rédigé par Hubert Guillot et Hugo Aubin. Et donc ici, vous avez la terre. Donc il y a différents types de terre qui sont après travaillées avec différentes manière de la travailler, donc creuser, couvrir, remplir, comprimer, mouler. Et on obtient donc à la suite en fait, différentes techniques de construction en terre. Donc ici, c'est en fait une manière d'illustrer que la construction terre offre une réelle diversité de techniques et de solutions constructives. En fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1989, mais même déjà dans le traité de construction de terre, il y a eu des avancées scientifiques et techniques sur la construction de terre qui ont été énormes. Donc ici, vous voyez, aujourd'hui, on est capable de reformuler en fait, le matériau de terre à la manière d'une reformulation d'un béton. Donc on analyse dans un premier temps les matières au travers, donc ici c'est une granulométrie, une sédimentométrie donc, qui permettent de caractériser les grains, et on peut les recomposer en fait. Ici, ce sont des éprouvettes d'échantillons de pisé qui nous permettent d'avoir des données en fait, un peu plus scientifiques sur la matière. Donc ça, c'est la correction granulaire, la reformulation, c'est quelque chose qui est apparu dans le traité de construction en terre, donc, en 89 déjà, mais qui après a été développé au travers de plusieurs projets et programmes de recherche dans le laboratoire Cratère, et pas uniquement. Donc ici, en fait, ce que j'expliquais, c'est que la Terre est composée donc de grains de différentes tailles. Ici, par exemple, quand on reformule, on peut associer donc des graviers avec des cailloux, des sables et des argiles. En les recomposant avec une bonne proportion et en les mélangeant, on peut réaliser du coup un mur en pisé. Donc en fait, on va recomposer une matière qui devient bonne à être mise en œuvre sous forme de construction terre. En fait. Donc je vais passer directement aux questions de recherche sur cette thèse. Donc, qu'est-ce qu'implique l'intégration de la terre de rebut comme matériau de construction et de production, processus de production, normalisation, etc. En fait, comment on va la retravailler? Quel rôle pourraient jouer les professionnels de la filière de construction en terre française en cours de structuration régionale nationale, qu'ils soient architectes, ingénieurs, entrepreneurs, chercheurs et organismes de formation, pour développer l'utilisation des terres de rebut? Quel rôle pourraient aussi jouer les réseaux des entreprises de recyclage spécialisées dans le bâtiment? Donc, c'est les entreprises qu'on a vues précédemment à Gennevilliers qui trient déjà les terres. Est-il possible d'utiliser les terres de rebut comme nouvelle ressource afin de limiter l'impact carbone des bâtiments neufs? Donc, c'est toute l'idée et l'intérêt qui est derrière cette thèse, c'est essayer d'utiliser le potentiel qu'ont les techniques de construction de terres comme techniques faiblement impactantes en termes de transformation de la matière, et aussi cette opportunité qu'on a des terres de rebut, donc comment on les combine les deux ensemble. Et jusqu'à quelle échelle de production du projet architectural au projet urbain cette utilisation est-elle envisageable? Parce qu'effectivement, on est dans une thèse en architecture, et l'idée c'est d'aller jusque dans le projet architectural et d'essayer de trouver les leviers dans le projet. Voilà. Donc ici, vous avez l'hypothèse de la thèse. Donc, l'usage des terres de rebut comme ressources écologique et économique peut fortement alléger l'empreinte carbone des bâtiments et avoir un impact positif sur le développement éco-responsable des villes. Ici, je vous présente donc la méthodologie qui était donc la première étape finalement dans ce début de travail de thèse. Le commencement en fait passe par une étude de terrain, en fait un travail sur deux terrains, donc la ville de Paris et la ville de Lyon. Je reviendrai plus tard pourquoi sur le choix de ces deux terrains, mais c'est assez important en fait dans le déroulé après par la suite. Par des entretiens et de la recherche documentaire, donc aller chercher les données sur quelles sont les compositions des sols de ces villes aux endroits qui sont impactés, essayer de faire des entretiens avec les acteurs de terrain. Après, il y a une phase d'analyse de données, et ici, en fait, on rentre dans un processus itératif où on va revenir pendant les 3 années de la thèse sur ces étapes successives pour essayer de renforcer à la fois l'analyse et à la fois la compréhension des données. Puis, comme on est donc en fait, on est dans un processus qui va amener des analyses de données, après une pré-étude qui permettra de préfigurer des pistes d'utilisation pour ces terres de rebut, de manière un peu théorique, on va dire. Après, des analyses de matières premières, donc, comme on a vu au travers d'un laboratoire, qui est entre autres situé dans l'école d'archi, qui permet d'analyser les matières et de savoir de quoi elles sont composées. Et ensuite, 3 phases de prototypage, donc dans les 3 années, qui ont eu lieu durant le festival Grain d'Isère, qui a lieu tous les ans en mai, aux grands ateliers, qui sont un moment privilégié d'échange avec des professionnels, des étudiants et aussi d'expérimentation, quoi, échelle 1. Mais cette étape, ce cycle de 3 fois, permettra du coup de venir et de travailler à des échelles différentes sur ces espèces, sur ces temps de prototypage surtout. Donc en parallèle de ça, il y a une analyse de corpus de projet qui me permettront de tirer une vision architecturale en fait de ce qu'est la construction de terre, qu'est-ce que ça peut apporter en termes d'architecture, quelles sont les pistes envisagées, les stratégies. Donc ça permettra à la fois d'alimenter la réflexion sur les prototypages, mais aussi une recherche prospective. Donc cette recherche prospective, c'est se projeter sur qu'est-ce que ça peut réellement devenir ces terres de rebut dans la construction, donc avec la pré-étude qui l'alimentera aussi et les phases de prototype qui alimenteront cette recherche prospective. Et tout cela, évidemment, en fait, contribueront à la rédaction de la thèse finale. Donc, les terrains. Ah, je vais un peu vite. Alors, les terrains, donc les deux terrains, donc c'est d'un côté il y a le Grand Paris, donc le Grand Paris c'est entre autres des projets d'infrastructures importants au travers du Grand Paris Express, donc qui vont générer de 30 à 40 millions de tonnes de terres de rebut qui seront principalement donc évacuées de Paris. Donc ici on voit une petite axonométrie qui provient du site de la société du Grand Paris. Donc les tunneliers qui vont donc sortir ces terres, les acheminer donc en péniche en dehors, donc à travers de la Seine principalement, en dehors de Paris pour être enfouis en carrière. Donc ici on voit le plan en fait des lignes qui vont être réalisées, donc qui sont situées vraiment sur une grande partie du territoire de Paris. Et donc ici, un petit schéma aussi qui provient de la Société du Grand Paris aussi, qui explique en fait les différentes parties qui vont générer de la matière. Donc ici, on a la phase de démolition qui va générer des bétons concassés qui seront recyclés ou pas en sous-couche de sol routier. Après, une partie où on creuse, en fait, c'est la partie de terre de terrassement que j'ai expliqué. Et après, en dessous, il y a la partie de terre donc liée aux infrastructures, donc qui est le tunnel. Voilà. Donc ce qui a motivé le choix de Paris, c'est qu'il y a une pression importante sur les matières premières, sur la ville de Paris, déjà de par les nouveaux agrégats qui arrivent à Paris, mais aussi du coup un réseau d'entreprises de recyclage de sol qui est déjà fortement implanté donc, sur Paris. Donc ici en point vert, vous avez toutes les installations de recyclage qui font du retraitement à la fois de ces terres. On voit qu'elles sont principalement localisées le long de la Seine pour les raisons que je vous expliquais de transport par voie fluviale. Et on a aussi les centres de maturation de mâche fer, donc ça nous intéresse moins, mais aussi qui sont liés donc, aux déchets de mâche fer qui sont retraités aujourd'hui. Après, ils mettent le centre de chauffage, je ne sais pas bien, après ça correspond à ça. Voilà. Donc tout l'enjeu donc, pour la ville de Paris, ça sera effectivement de voir un peu cette structuration de ces acteurs. Donc l'idée, c'est d'aller effectivement rencontrer la Société du Grand Paris, de rencontrer aussi les entreprises de recyclage, ce qui est déjà largement entamé, mais qui va se poursuivre au fil des 3 années de thèse. Là. Le deuxième terrain donc, il concerne la ville de Lyon, la ville de le Grand Lyon, donc pas seulement la ville de Lyon, mais aussi les villes autour, donc ce qu'on appelle le Grand Lyon. Parce que le Grand Lyon en fait détient un patrimoine en fait traditionnellement un patrimoine en pisé important. Donc ici vous avez une publication de Dorothée Alex qui a été éditée au Cratère, donc qui recense en fait des balades et des promenades sur la construction en pisé traditionnelle qui reste encore dans le centre de Lyon jusque sur le coteau de la Croix-Rousse en fait. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que s'il y a cette construction traditionnelle en pisé, c'est que le sol en fait est naturellement bon pour construire en pisé sur le Grand Lyon. Évidemment il y a des variations de terre un peu en fonction des alluvions, la manière dont ils se sont déposés, mais on a une matière qui est déjà bonne et c'est pour ça qu'il y a eu le choix de cette hypothèse, c'est que ça préfigure en fait plus facilement une utilisation directement à partir de ces terres de terrassement. Quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Lyon en fait, a tendance à s'accroître et à étendre son territoire et que pourquoi pas du coup utiliser directement les terres de terrassement dans les zones pavillonnaires qui seront redispatchées pour être utilisées directement sous forme de pisé ou d'autres techniques qui seront peut-être plus adaptées. Donc pour le moment, ça c'est encore à réfléchir, hein, évidemment, il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Donc voilà, dans la phase de pré-étude, l'idée c'est d'avoir dans un premier temps recensé donc, ces matières premières qu'on pourra tirer des sols, donc que ce soit des sablons, des limons, des argiles, de la craie, du gypse ou des bétons de recyclage, les identifier donc au travers d'analyses de la matière première, mais déjà dans un premier temps juste d'identifier de quoi il s'agit et après de préfigurer en fait des pistes d'utilisation en reformulant ou non pour permettre de réaliser donc du pisé, des enduits, des blocs de terre comprimée, de la terre coulée, des panneaux de terre. Voilà. Et après, évidemment, il y a encore toute la partie qui vient derrière de se projeter sur une utilisation dans le bâtiment. Voilà. Donc, cette préétude, cette thèse, en fait, tout l'enjeu, c'est d'arriver à réfléchir à cette articulation entre matière, matériaux, système constructif et architecture, donc qui nous emmène à des échelles de conception et de pensée du projet différentes, qui nous emmènent progressivement à l'architecture, mais toujours en partant effectivement du territoire et de ses ressources. Donc là, je vous ai pris trois exemples de techniques traditionnelles pour vous montrer un petit peu cette démarche et les différences qu'on peut vraiment faire, parce que chaque technique a des potentiels évidemment différents. Donc dans la famille des maçonneries monolithiques, donc on a le pisé, la bauge et la terre coulée. Ici, je vous présente la bauge. Donc la bauge, c'est une technique de construction en terre où on mélange de la paille ou pas forcément, mais on met la terre à l'état plastique, on l'empile sous forme de boule pour en faire un mur massif. Et ici, on voit donc la transformation qui permet de faire un mur massif et parfois en architecture qui est utilisée donc sous forme de mur trombe ou en mur pour capter l'énergie solaire ou maintenir une inertie dans le bâtiment. Voilà. Les maçonneries de petits éléments, donc ça c'est une autre famille, donc il y a les blocs de terre comprimée et les adobes. Donc ici il s'agit des blocs de terre comprimée où on vient en fait, donc là vous voyez le rendu, c'est un appareillage de briques tout simplement, on vient comprimer en fait une terre humide dans une presse pour obtenir une brique qui est simplement séchée par la suite au soleil. Et donc ça permet de générer des bâtiments qui sont appareillés. Là, l'avantage, c'est qu'effectivement, en termes de technique, on a un fort potentiel de réplicabilité au niveau des entreprises, parce qu'il s'agit de la maçonnerie. N'importe quelle entreprise qui réalise de la maçonnerie peut tout à fait s'approprier cette technique. Donc on peut imaginer tout de suite des cloisonnements, des doublages intérieurs, à voir. Mais on peut se projeter là-dessus. Ici, c'est les maçonneries de remplissage, donc en torchis et en terre allégée, donc, qui sont des matériaux plus isolants. On utilise une plus grande proportion de fibres, donc un mélange de fibres et de liants argileux qui viennent en remplissage d'ossature. Donc ici, on est du coup dans le champ plutôt de l'ossature bois, un langage architectural qui est encore différent. Et puis c'est pas du tout les mêmes contraintes en termes normatifs et réglementaires parce qu'on est du coup sur une structure bois plus facile à argumenter en termes de DTU. Enfin bon, ça sera à développer dans la thèse. Voilà. Donc tout ça va nous amener en fait à préfigurer des idées et sur les usages de cette terre de rebut et de les vérifier au travers du prototypage qui aura lieu donc au Festival de Grand-Isère, comme je le disais, qui se déroule chaque année aux grands ateliers. Donc ici vous avez deux prototypes qu'on a réalisés, donc ici en 2013, donc il s'agissait de vérifier en fait au travers de la technique du pisé différents modes de mise en œuvre avec différents types de mécanisation, différents types de mélange, et de vérifier avec les étudiants comment on pouvait construire effectivement en pisé de manière efficace sans trop se fatiguer. Ici, c'est un autre prototype donc, qui a été réalisé en 2015, où là, on a une plus grande diversité de techniques. On a ici des blocs de terre comprimée, ici du torchis, ici de la terre coulée, de la bauge devant et du pisé derrière, des enduits, donc, qui permettaient d'essayer différents modes de mise en œuvre, assez simplement sur une ossature bois. Grand-Isère, effectivement, c'est ce temps assez intéressant, parce que là, c'était piloté par des professionnels de la construction de terre, où on peut échanger entre étudiants, entre chercheurs et professionnels de la construction de terre. Donc j'espère pouvoir effectivement faire venir, pourquoi pas, les entreprises qui font du recyclage de terre de rebut à voir. Ça sera à vérifier tout cela. Donc après, rentrer dans la dimension architecturale, donc au travers de de ce corpus, d'un corpus de références qui se base sur des références de construction terre donc contemporaine, donc localisées en France, hein, pour essayer de restreindre un peu le champ du corpus de référence, parce que sinon on va être vraiment trop large. Donc, là, je n'ai pas tout mis dans le sujet de thèse, il y en a un peu plus. Hein, là, c'est une sélection, un extrait. Donc, il y a le domaine de la Terre, ici, construit dans les années 80. Donc, 65 logements HLM, donc habitat loyer modéré, qui ont été réalisés donc, en grande majorité en terre. Hein, donc, il y a beaucoup de techniques différentes. Je reviendrai sur ce projet un peu plus tard dans la présentation. Ici, vous avez donc Mayotte, donc, qui est le 101e département français, où en fait, depuis 35 ans, il y a eu une construction exceptionnelle, le temps. construction importante en blocs de terre comprimée qui ont. Donc 25% de la population de l'île de Mayotte habite dans les terres en terre, donc c'est pour avoir la dimension aussi du territoire et de ce que ça impacte sur un territoire. Bon, ici, il y a l'INRA de l'Orléans, le projet d'Amplia et le projet en Alsace du centre d'interprétation archéologique où en fait il y a du pisé préfabriqué. Pour montrer aussi les évolutions techniques, c'est aussi l'objectif. Au travers de ce corpus de référence, de voir la place que la Terre a dans les projets. Donc ici, le domaine de la Terre, c'est un projet phare et très important. C'est important de faire un retour d'expérience là-dessus, en fait, assez poussé, parce qu'il y a eu des expériences qui ont été énormément, vraiment abouties sur les différentes techniques. Ils ont testé du pisé, des blocs de terre comprimés, de la terre allégée, des adobes. Et tout ça avec des entreprises qui à la base n'étaient pas qualifiées sur la construction terre. Donc en termes de réplicabilité, d'idée d'intégrer des entreprises qui n'y connaissent à la base pas grand chose à la construction terre, il paraît intéressant d'avoir ce retour d'expérience. L'INRA d'Orléans, donc, c'est le premier bâtiment français, donc, c'est le Conservatoire européen d'échantillons de sol, donc premier bâtiment français où on a essayé la reformulation de matériaux terre avec développement d'outils un peu pour optimiser la production du pisé. Et un projet donc, qui est Réinventer Paris, qui est dans le cadre de Réinventer Paris, qui est le projet de l'agence Joly-Loiret sur la gare Masséna, où il s'agit d'une tour de 15 étages, en fait, construite en béton, donc en béton de ciment pour la structure, pour porter ce bâtiment, et en béton de terre pour réaliser en fait, une enveloppe. Donc un béton d'argile donc à base de terre de recyclage pour diminuer l'impact en fait carbone de ce bâtiment donc en réutilisant les terres de rebut de Paris quoi. Voilà donc c'est un projet sur lequel on avait travaillé un petit peu avec l'agence Joly-Loiret. Donc les collaborations envisagées donc j'essaie de faire rapide donc pour la compréhension de terrain, l'idée c'est d'intégrer à la fois la Société du Grand Paris, des associations locales et toutes ces choses-là, d'intégrer les entreprises de recyclage de terre, donc plusieurs entreprises avec qui on travaille déjà, que j'ai déjà rencontrées, donc EMA, SPL, donc sur Paris, d'autres sur Lyon, des entreprises de construction en terre, au travers entre autres de l'Association nationale des professionnels de construction de terre, puis l'idée c'est après d'utiliser donc les connaissances qu'il y a au sein du laboratoire Crater pour la compréhension de la matière première, les grands ateliers pour les phases de prototypage, et puis aussi un travail avec l'EPFL sur comment évaluer l'impact environnemental des solutions. Voilà, donc les résultats attendus pour conclure. Donc l'idée c'est dans une conclusion de développer une vision prospective sur le potentiel de l'utilisation de la terre de rebut en architecture pour une ville éco-responsable et bas carbone. Donc cette idée, c'est de travailler au travers, donc, comme je l'ai dit, donc, l'analyse des terrains, l'alimenter avec le corpus de référence et des phases de prototypage. Ainsi, développer du coup, des outils d'aide à la mise en place d'un cadre favorable à la valorisation des terres de rebut, parce qu'effectivement, il peut y avoir beaucoup de freins en termes de comment travailler ces terres, comment travailler sur la réglementation aussi. des outils d'aide à la conception architecturale, parce que de toute manière, concevoir en terre, ça implique d'autres positionnements architecturaux que de construire avec un autre matériau, de par ce matériau, tout simplement, en fait. Et développer aussi des outils d'aide, d'évaluation de l'impact environnemental, des pistes et des solutions envisagées, en fait. Voilà. Et le dernier point, c'est qu'en fait, l'idée de cette thèse aussi, c'est d'avoir ces outils, mais de rester dans un cadre assez ouvert, parce qu'il y a évidemment la vision que les terres de rebut, ça ne concerne pas uniquement les métropoles françaises, ça concerne les métropoles à l'international. Et donc, comment ces outils peuvent aussi être réutilisés ou réenvisagés sur d'autres territoires, donc, par exemple dans des grandes villes en Chine ou d'autres pays qui auront ce besoin et ce questionnement par rapport à cette ressource. Je vous remercie. Du coup, moi, je suis architecte de formation, diplômé de l'école d'architecture de Grenoble en 2010, du master architecture et culture constructive. Donc, j'ai passé par le Solar Décathlon en 2010 dans mon diplôme. Après, j'ai fait un DSATR pendant Solar Décathlon. Je me suis posé la question qu'est-ce que je voulais faire pendant cette DSATR pour revenir à des choses plus simples. Pour voir justement cette articulation matière-matériau-architecture, de revenir à une conception du projet où on part de la base, on maîtrise tous les aspects techniques et on arrive à quelque chose d'assez simple dans le langage architectural derrière. Parce que le Solar Décathlon, c'était quelque chose de très technique en soi et je ne me projetais pas tout de suite aller dans ces choses-là, dans cette vision-là de l'architecture. Donc mon DSATR, j'ai travaillé sur entre autres pas mal de choses qui m'inspirent aujourd'hui pour aller vers cette thèse, donc sur la question de la reformulation, sur la question du PISE principalement, avec des prototypes qu'on a réalisés. En une année, on a fait 7 prototypes un peu partout dans le monde pour vérifier cette hypothèse, en Chine, en Autriche, en Belgique, et puis après ça, j'ai enchaîné du coup sur cette thèse. Voilà. Et donc après les outils méthodologiques, les terrains, pour moi c'est des entretiens par la recherche documentaire. Après je ne sais pas, j'ai pas encore fait la green analyse de comment j'allais faire tout ça. Pour le moment j'ai mis en place le cadre global, le fonctionnement avec ce processus qui revient avec du prototypage, avec des terrains, comment ça alimente. Je n'ai pas encore toutes les réponses en termes d'outils, je pense. Après, je sais qu'il y a encore des choses sur la question de l'évaluation environnementale de ces solutions, tout ça, où c'est vraiment de la recherche, quoi, parce que pour le moment, il n'y a rien qui est fait dessus. Sur la question aussi du processus technique, de comment on analyse les terres, comment on préfigure une forme de mise en œuvre, tout ça, il n'y a rien qui est vraiment dicté, quoi, pour le moment, qui est donné. Voilà. Et puis il y a toute la dimension architecturale, ouais, effectivement, qui est hyper importante. Juste, merci d'avoir l'exposé, j'ai trouvé très clair. Bon, au moins, ça pose clairement les choses. Par contre, je me disais, en fait, vous dites l'hypothèse, c'est que, que ce processus d'extraction sur place va alléger l'empreinte carbone du bâtiment. Donc là, il y a derrière ça un tas de méthodes d'évaluation pour effectivement le démontrer en prenant vraiment l'origine, le transport des terres nécessaires pour aller, je sais pas quoi, enfin bref, vous savez comment ça, ça s'évalue, quoi. Donc c'est en même temps, après, dans la suite de l'exposé, ça ne parlait pas vraiment. C'est-à-dire, je sais que c'est des méthodes connues, établies, etc. Il faut partir de la source, aller jusqu'à l'arrivée, le bâtiment dans son entier, c'est-à-dire avec tous les autres matériaux qu'il va intégrer, par exemple si c'est de l'aluminium pour les, je sais pas, pour les ouvertures, etc. Donc, enfin, est-ce que vous isolez juste la partie terre? Comment, voilà, quoi. Parce que après, deuxième partie. Donc là, c'est un peu un point aveugle pour moi. Vous n'en avez pas parlé. Alors, c'est un cycle global. Oui, c'est un cycle global qui, il y a beaucoup de débats là-dessus, méthodes, etc. Bon, en fait, je voudrais savoir comment est-ce que vous les intégrez et comment vous allez faire. C'est pas évident. Après, je trouve intéressant d'exploiter, par exemple, des terres de transport, c'est-à-dire ce qu'il y avait effectivement pour une ligne de métro, retrouver ce matériau, etc., pour la construction. Bon, tout ça, moi je trouve ça passionnant. Hein, mais est-ce que l'hypothèse de dire, bah oui, ça allège l'empreinte carbone, à partir d'où on regarde, quoi. Et puis, deuxième chose, le point avec, c'est le prototypage. Le prototypage, vous parlez de dire, bon, je vais tester, en gros, c'est ça, vous allez expérimenter d'une manière ou d'une autre, avec le matériau extrait, je sais pas. Dans les deux terrains, alors là c'est le terrain au sens vraiment original du terme, quoi, la terre, le terrain. Et là, le prototypage, vous n'en parlez pas beaucoup non plus, alors je sais que c'est tôt et tout, mais s'agit-il d'un prototypage de type architectural, technique, les deux sans doute, mais bon, ça peut aller plus dans un sens que dans un autre. Et voilà, c'était la deuxième question. Parce que dans la deuxième partie de l'hypothèse, sur un développement urbain plus soutenable, bon, celle-là est tellement vague. Mais l'empreinte carbone, c'est moins vague. Quoi. C'est... ça paraît évident comme ça, mais alors à ce moment-là, oui, j'entendais l'autre jour, quand on a construit les autoroutes, on a trouvé des gravières, faut que j'utilise les gravières, c'est devenu des bassins de loisirs, puis etc. Donc, réellement exploité à nouveau dans les temps modernes, au-delà de certaines périodes. poursuivre un petit peu sur ce que dit Hubert à l'instant. Et merci pour l'exposé qui est vraiment très clair. Alors, je me posais une question, ou en tout cas je me disais, est-ce qu'il y aurait pas matière à peut-être infléchir un tout petit peu la problématique, non pas seulement en termes techniques, mais plutôt en termes socio-techniques. C'est-à-dire qu'il me semble que là, il y a une position de phasage de différentes étapes de transformation de la matière jusqu'à arriver à l'architecture avec à chaque fois des méthodologies ou des techniques qui sont spécifiques à chacune des phases. Je pense que la question qui peut se poser aussi, c'est comment est-ce qu'on passe d'une phase à une autre, et en particulier, comment est-ce que ça peut impliquer un jeu d'acteurs, justement, d'entreprises, d'enjeux économiques, urbains, etc., qui dépassent le cadre purement technique. Donc je me demandais s'il ne fallait pas introduire une problématique d'ordre socio-technique, plus que technique à proprement parler, ou en tout cas qui complète cette phase, cette dimension plus technique. Je vais essayer d'intégrer cette problématique. Effectivement, déjà le corpus software est très ciblé, on le voit bien, à travers différents types d'entreprises, différents types de structures qui sont effectivement impliquées dans tous ces processus pour le moment d'évacuation de ces terres, et puis parce que cette terre va permettre de redéfinir en même temps tout un ensemble de processus qui ont des impacts non socio-économiques pour effectivement le développement, c'est de nouvelles capacités professionnelles qui vont pouvoir être associées à cette. Cette redéfinition d'une filière de réexploitation des terres de revenus et qui permettront effectivement de retisser aussi un ensemble de tissus d'entreprise qui ne sera pas que des exploitants. Hugo, je ne sais pas si tu veux réagir. Oui, oui. Non, parce que tu parles. Je ne peux pas répondre à ça après. Non, mais je suis là. Ce que le verre a dit. Pas de moi. On va lire l'entente entre le directeur et le Merci Léa de me rappeler. Non, désolé. C'est pas la sagesse. On coupe l'enregistrement. Je suis d'accord. Non, mais pour répondre un petit peu, ouais, moi j'ai déjà rencontré beaucoup de ces acteurs en fait. La quasi-majorité, et entre autres dans la STERM, les professionnels de la construction de terre, je travaille en proximité avec des entreprises de construction de terre aussi, de par... voilà, et du coup, c'est vrai que en discutant avec eux, en fait, ça leur paraît aussi, il y a des choses qui leur paraissent potentiellement utilisables. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a... Il y a aussi une pression sur les matériaux de carrière neufs, donc ceux qu'on tire aujourd'hui des carrières, qui est phénoménale. Et même pour la construction de terre aujourd'hui, ça, en fait, ce sujet-là, il est un peu plus complexe que ça, parce que même la construction de terre de demain, aujourd'hui, on se re-questionne sur est-ce qu'on aura la matière, où est-ce qu'on ira la prendre, est-ce qu'elle coûtera le bon prix, parce que si une matière terre est identifiée bonne pour être construite en terre, sa valeur, elle est en train d'exploser en ce moment, en fait. Un camion qui transportait une tonne de terre pour construire en pisé, alors que l'entreprise, elle ne savait pas que c'était bon pour construire en pisé, ça coûtait 4 euros. Maintenant, un big bug qui vaut une tonne 5, ça vaut 200 euros. Donc, pour dire qu'il y a des spéculations qui sont faites sur la matière première, et en fait, cette thèse, l'important, c'est aussi, effectivement, d'exploiter ce potentiel de cette ressource, parce que c'est aussi se projeter sur qu'est-ce que c'est que la construction de terre demain. Honnêtement, c'est un peu ça, moi, qui m'intéresse pas. Voilà. Est-ce qu'il y a ce levier-là qui pourrait être un potentiel, un levier, quoi, aussi pour la filière. Je veux bien rajouter quelques mots. Alors, je sais que moi, j'ai en tête une autre thèse. Il me semble que c'est des questions qui méritent quand même de rester en tête. C'est-à-dire que je comprends bien, c'est une évidence, vu d'où vous partez, là où vous êtes aujourd'hui avec Cratère, de penser terre, construction en terre. Mais vous avez, puisque un de vos terrains c'est le Grand Paris, moi je sais que sur le Grand Paris, justement, cette question du sol, et la raison pour laquelle il y a toutes ces entreprises de recyclage, c'est que cette terre, on n'est pas regardée uniquement du point de vue matériaux de construction futur de l'architecture, enfin actuel ou futur, c'est qu'on a aujourd'hui un tel appauvrissement des sols, on a une telle pollution des sols, on a des sols qui sont de qualité de plus en plus déplorable, que cette terre, en effet, aujourd'hui, le travail qui est en train d'être fait, c'est comment est-ce qu'on peut régénérer les sols à l'échelle des villes, mais pas uniquement. Et je sais qu'il y a certaines communes qui ont notamment du foncier, aujourd'hui qui sont des anciens, soit lieux de stockage ou lieux industriels, ou du foncier qui est plus ou moins pollué, ou plus ou moins au contraire propre. Et ces communes-là, elles ont un pactole inestimable. Et pour elles, la question, c'est véritablement un pactole. J'entends le sol, cette terre, sa qualité, évidemment que c'est une très bonne qualité pour le coup, c'est une richesse inestimable. Et moi, il me semble que de penser uniquement comme matériau de construction, même si je comprends bien la logique, parce qu'une fois de plus, on la comprend, c'est lié au laboratoire de recherche, il me semble que si vous posez cette question aujourd'hui de la terre, du sol, l'enjeu il est véritablement dans sa qualité, dans sa perte de qualité, et ça à l'échelle de la planète. Et la terre a une valeur aujourd'hui considérable parce que justement on a une terre de plus en plus de mauvaise qualité. Et pas uniquement à l'échelle de Paris ou de Lyon, et qu'aujourd'hui c'est un matériau, mais y compris pour l'agriculture, parce que la terre, elle a augmenté peut-être de prix pour la construction, mais pas uniquement. Aujourd'hui, vous voulez faire apporter de la terre pour votre jardin, ça vous coûte aussi très cher si vous voulez de la très bonne terre. Oui, là-dessus, oui, c'est vrai, c'est des choses que j'ai déjà pu identifier, parce que c'est vrai que même sur Internet, il y a des sites de revente de terres, de terrassement, des choses comme ça, donc c'est à voir. De plus, ici, c'est le bâtiment, c'est l'INRA d'Orléans, donc ça s'appelle le Conservatoire européen des échantillons de sol. Ce bâtiment, il a un programme très particulier à l'intérieur, en fait, c'est qu'il conserve des échantillons de sol qui prélèvent tous les... alors, je ne sais plus exactement, mais c'est, il me semble, c'est tous les 500 mètres, quelque chose comme ça, sur le territoire français. Et ils refont le prélèvement. L'idée, c'est qu'ils refassent le prélèvement tous les 10 ans pour voir l'évolution des pollutions dans les sols. Donc la question de la pollution des sols, je pense que ça sera quelque chose qu'il va falloir regarder de près aussi. Mais l'objectif dans cette aire de rebut, c'est effectivement pas de dépolluer toutes les terres ou de réutiliser toutes les terres pour la construction de terres. C'est aussi, effectivement, je pense qu'il y aura des terres polluées qu'on mettra de côté, qui de toute manière finiront en décharge comme ils le font actuellement. L'idée, c'est qu'il y en a une bonne proportion qui peuvent être malgré tout réutilisées quoi, aussi. Et effectivement, c'est une valeur qui est... Ouais, c'est une vraie valeur, quoi, ce matériau. Quoi. Ce bâtiment-là, il a été construit avec 70% de la terre qui vient directement des fondations. Là. Celui-là. Merci beaucoup.